J'entends jouer l'orchestre d'un paquebot qui sombre, entraînant notre histoire et la mémoire des vieux. Où sont les étonnés, les jaloux, les peureux? Où sont les insolents, les rusés, les heureux? Où sont les hommes des chemins qui menaient à Rome? Enfant du néant, du hasard et d'un cri d'amour quelque part, retenu par le temps qui dure au fond d'une prison sans mur. Je sais que le ciel ne m'attend pas, ni Dieu ni diable, mais au-delà, une idée folle, une idée d'homme, de ceux qui s'en allaient à Rome. J'entends jouer l'orchestre d'un paquebot qui sombre, entraînant notre histoire et la mémoire des vieux. Où sont les résignés, les errants, les curieux? Où sont les indignés, les violents, les furieux? Où sont les hommes? Nous sommes des passants illusoires sur des chemins qui vont nulle part, retenus par des liens obscurs à des éternités futures. Je sais que le ciel n'est pas si haut, ni bien ni mal, ni laid ni beau, une idée folle, une idée d'homme, de ceux qui s'en allaient. Entraînant notre histoire et la mémoire des vieux. Où sont les étonnés, les jaloux, les peureux? Où sont les insolents, les rusés, les heureux? Où sont les hommes des chemins qui menaient?